Il est 14h. C'est reparti pour une nouvelle heure de pour son. Pour une nouvelle heure de son. Et ça démarre. Maintenant. Eh bien voilà, il est 14h, passé de quelques petites minutes à l'écoute de Castel FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche après-midi. Vous le savez, traditionnel rendez-vous du dimanche après-midi sur Castel FM, c'est évidemment les dédicaces. Les dédicaces, c'est quoi? Ce sont vos messages personnels en direct à la radio. Si vous voulez faire plaisir à votre entourage, famille, amis, connaissances, collègues de travail, si vous souhaitez leur dédicacer une petite chanson, eh bien, c'est l'émission qu'il faut écouter. Tous les dimanches après-midi sur Castel FM, de 14h jusqu'à au moins 17h, nous sommes ensemble avec moi-même Gaëtan derrière le micro et également avec Yannick et Olivier qui sont du côté du standard. Nous allons commencer dans quelques instants avec la première dédicace. Juste avant, je vous rappelle évidemment les numéros de téléphone. Vous pouvez envoyer vos dédicaces par le biais du SMS. Évidemment, c'est un numéro complètement gratuit. Vous envoyez votre dédicace par SMS au numéro suivant, le 07 83 75 16 46. Hop, on note vite le numéro 07 83 75 16 46. Et vous pouvez également nous appeler par le biais du standard au 09 79 98 00 25, 09 79 98 00 25. Si évidemment vous n'avez pas eu le temps de noter notre numéro de standard de SMS, rendez-vous sans plus attendre sur le site de la radio, castelfm.com, et en haut à droite de la page d'accueil, eh bien vous pourrez noter tranquillement les numéros de téléphone, SMS et standard de Castel FM. C'est en haut à droite de la page d'accueil du site de la radio. En tout cas, je suis ravi de voir que vous avez choisi Castel FM pour passer votre dimanche après-midi en musique, pour vous divertir, d'être avec nous. Ça fait bien plaisir. Merci de votre fidélité. Vous êtes entre autres sur Facebook, plus de 10 000 fans à suivre la page Facebook de la radio Castel FM Média. Et ça, vraiment, ça fait bien plaisir. Merci à vous. Le temps de réceptionner vos premières dédicaces par le biais du SMS ou par le biais du standard, on va s'écouter une petite chanson. L'artiste, lui, s'appelle Boosty, avec le titre Hola. Hello, hola, wa. Et c'est maintenant sur Castel FM. Chaque fois que je te vois, j'ai cette envie de voyager. La tête dans les nuages, suis heureux où que j'aille. You can feel the rain, walk with no makeup. You can feel the pain. Tu étais là mais tu rêvais de partir. Un peu comme si l'ambiance n'était plus de la partie. Irrésistible, envie de te parler, t'influencer sur la suite du programme de la soirée. Je sais qu'au fond, tu te sens libre au bout du compte. Tu te sens seul la nuit dans la ville. On se sent vif, tes fossettes se creusent quand tu te mets à rire. Tous ces moments passés, j'ai voulu te prouver que tu étais ma princesse. Tu ne voudras plus te passer de moi, tu aimes ton m'enlacer. Tu n'en auras jamais assez, je le sais car je te connais. Quand on a le temps, on s'aime sur un banc à l'abri des passants. Quand la nuit tombe, tu me dis va-t'en. Quelle idée de la considérer, je suis qu'un passe-temps. Chaque fois que je te vois, j'ai cette envie de voyager. La tête dans les nuages, suis heureux où que j'aille. You can feel the rain, walk with no makeup. You can feel the pain. Hello, aloha.

je n'avais plus de voix. On s'éloigne sans se concerter. C'est peut-être une histoire de fierté, mais la vie passe vite. Viens, on arrête de s'éviter. Tic tac, tic tac. Je suis seul et j'entends tic tac, tic tac. Je suis seul et j'entends tic tac. Je suis seul et j'attends. Tic-tac. Je suis seul et j'attends. Disons-nous la vérité. Je dirais même laissons-nous guider. Depuis le début nous sommes liés. À la seule et l'unique. Ney, ney. Vous êtes avec Gaëtan sur Castel FM. Merci de nous avoir choisi. Castel FM. Exactement, merci de nous avoir choisi en ce dimanche après-midi pour écouter les dédicaces qui vous accompagnent comme ça jusqu'à au moins 17h. Et on enchaîne sans plus attendre avec une nouvelle dédicace. Ça nous arrive de la part de Michel. Michel, il habite à Saint-Herblain. Oui, oui, à Saint-Herblain, tout près de Nantes. Et c'est pour faire un coucou à toute sa famille qui habite dans le sud de la France. Moi, dès que je me mets à parler du sud de la France, je prends un accent d'un coup comme ça. Ils sont comme ça, un peu les Marseillais. Et les gens qui habitent dans le sud de la France, ils ont un accent un peu comme ça. Bref, en tout cas, on y retourne avec une nouvelle dédicace de la part de Michel de Saint-Herblain pour faire un coucou à toute sa famille qui habite dans le sud de la France. Il a choisi une petite cover, une petite reprise, une chanson de Michel Fugain, Je n'aurai pas le temps. Cette fois-ci, reprise par Claudio Capéo, et c'est maintenant sur Castel FM, bien sûr. Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant. Plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant. Je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. En sentant, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur. J'aime de tous mes yeux. C'est trop peu pour tant de cœur et tant de fleurs. Bien trop court, bien trop court. Et pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en sortant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Vendredi soir de 19h à 20h, retrouvez JC et son équipe en direct. Au programme, des jeux, des chroniques en tout genre et surtout, des cadeaux à gagner. Alors rendez-vous vendredi soir à 19h sur le www.jcradiolibre.fr. jcradiolibre.fr. Et le meilleur de la musique, les enfants, sur Castel FM, ce dimanche après-midi. Vous écoutez les dédicaces, on est ensemble jusqu'à au moins 17h. Gaëtan avec vous derrière le micro. Et on enchaîne avec une toute nouvelle dédicace sans plus attendre. C'est de la part de Sophie L, puisqu'on a plusieurs auditrices qui ont le même prénom. Et pour vous différencier un petit peu, on a mis un petit motif. Donc, c'est de la part de Sophie L. Elle habite à Châteaubriant. C'est pour faire plaisir à sa maman qui se prénomme Marianne et qui habite à Sion-les-Mines. Elle a choisi de lui dédicacer une petite chanson de Kinuvé qui s'appelle « Un métier sérieux ». Et c'est maintenant sur Castel FM, bien sûr. Kinuvé phénoménal. C'est mon anniversaire et je souffle ma 30e bougie. Je demande que ma mère va encore m'inventer ce coup-ci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se lève, porte un verre, elle s'adresse à moi et me dit: maintenant que tu es trentenaire, faudrait penser à ta carrière. Je préférerais que tu sois fonctionnaire. Au moins là, je saurais que je n'aurais plus de soucis à me faire. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants. Que tu fasses un peu plus d'état d'âme et t'arrêtes de vivre à mes dépens. Que tu te trouves un métier sérieux. Trouve-toi une femme qui sera tienne pour enfin te marier. J'aimerais qu'en compagnie d'elle tu viennes danser les valses de Vienne dimanche à mes côtés. Elle me dit qu'elle serait contente enfin quand je lui annoncerai la venue d'un enfant. Change de métier car toutes les carrières ont des fins, mais sur ce point-là je me défends. Car la musique m'a sauvé la vie et je continuerai tant que j'en aurai envie. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des un peu plus d'état d'âme et t'arrêtes de vivre à mes dépens. Que tu te trouves un métier sérieux, car la musique ça va un temps. Il serait temps que t'ouvres les yeux, Kevin, maintenant t'as plus 20 ans. Ah non! Je ferai ce qu'il me plaît. Oui, maman, désolé. Je ferai ce qu'il me plaît. Safira a pour but d'accompagner les parents d'enfants malades en leur apportant une écoute, une aide dans leurs démarches administratives et dans divers domaines. Dans le but de récolter des fonds, l'association organise tout au long de l'année diverses manifestations telles que des lotos, vide-greniers, soirées à thème, lâcher de ballon. L'association est joignable au 07 84 11 32 90 07 84 11 32 90 sur son site internet www.couleurspoursafira.free.fr ou sur sa page Facebook des couleurs pour Safira. Exactement les enfants, le meilleur de la musique, la continue comme ça maintenant sur Castel FM. C'est le week-end, on est le dimanche après-midi, on est heureux d'être avec en votre compagnie, hein, exactement sur l'antenne. Et on y retourne dans quelques secondes avec une toute nouvelle dédicace, puisque cet après-midi c'est vous qui faites évidemment la programmation musicale. Tout au long de l'après-midi, vous pouvez évidemment programmer une petite dédicace pour votre entourage, famille, amis, connaissances, collègues de travail, etc. N'hésitez pas, évidemment, les numéros de téléphone suivants sont totalement gratuits. Vous pouvez, pour les plus timides d'entre vous, envoyer votre dédicace par le biais du SMS. au 07 83 75 16 46. Et pour les plus courageux d'entre vous, entre guillemets, ouais, c'est une petite vanne, hein, vous composez le numéro du standard, nous appelez directement de vive voix au 09 79 98 00 25. Vous pouvez évidemment prendre le temps de noter ces numéros de téléphone sur le site de la radio, castelfm.com. En haut à droite de la page d'accueil, vous avez les numéros qui vous y attendent. Vous pouvez les noter tranquillement, installés dans votre canapé. On y retourne avec une toute nouvelle dédicace. Sans plus attendre, c'est de la part de Christophe. Christophe, il habite à Soulvache. C'est pour faire de gros bisous à sa femme, à ses séries qu'il adore, Patricia, et également à ses filles. Il a choisi le titre de News Poppies, la reprise, la petite cover, Le sens de la vie. Et c'est maintenant sur Castel FM, bien sûr. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. FM est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Venez nous rejoindre, Castel FM. Exactement, et évidemment les enfants, vous le savez, nous sommes évidemment présents sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Google+, Instagram, Twitter, et j'en passe, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes également ravis de voir que depuis quelques temps, vous êtes plus de 10 000 fans à nous suivre sur notre page Facebook Castel FM Média. Et ça, vraiment, ça nous fait bien plaisir. Merci à vous de votre fidélité. On y retourne avec, sans plus attendre, une nouvelle dédicace qui nous arrive de la part de Sonia. Sonia, elle habite à Soudan. C'était pour faire plaisir à ses enfants Tony et Justine. Elle a choisi la chanson de Tidiaz avec Dimlo. Et c'est maintenant sur Castel FM, bien sûr. Dis-moi ce qui se passe, oh. Dimelo, sono tu io. Niña, por fin dimelo que siento. Dile moi, solo que te va. Niña, por fin dile moi. Dis-moi ce qui se passe. Dimelo, sono tu io. Niña, por fin dimelo. Avec la chanson, ça pourrait faire « Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ». Castel FM donne la priorité à l'information dans ses JT de 13h, 20h et 23h. Castel FM. Exactement, vous le savez, tous les jours, du lundi au dimanche, vous avez rendez-vous avec les JT Information Nationale sur Castel FM à 9h, 13h, 20h et dernier rendez-vous du soir à 23h. Toujours l'actualité à la pointe de l'actualité nationale. Sur Castel FM, vous écoutez Castel FM et en ce dimanche après-midi, vous le savez, traditionnel rendez-vous, ce sont les dédicaces. C'est vous qui faites la programmation musicale par le biais de la programmation de vos dédicaces, par le standard au 09 79 98 00 25 ou par le biais du SMS au 07 83 75 16 46. On y retourne avec une toute nouvelle dédicace qui nous arrive de la part d'Angélique. Angélique, elle habite à la Guerche de Bretagne. Et elle avait envie de faire plaisir à ses enfants, à sa famille et à ses amis du 44, comme elle le dit souvent sur l'antenne de Castel FM. Évidemment, hein, Angélique, auditrice fidèle de l'antenne. Et elle a choisi Soprano avec Mon Précieux. On se l'écoute maintenant sur Castel FM. Faites comme Angélique, continuez à envoyer un maximum de dédicaces par SMS ou par le standard. «

Castel FM. Exactement, on est ensemble ce dimanche après-midi sur Castel FM. Vous écoutez les dédicaces. C'est vous qui faites la programmation musicale tout au long de l'après-midi jusqu'à au moins 17h. Et je vous le disais à l'instant, je vais vous faire gagner sans plus attendre des cadeaux. Et on va mettre en jeu tout de suite une carte SIM offerte par l'opérateur Le Barra Mobile. Alors, comment ça va se passer pour gagner ce cadeau? Et bien, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Vous allez m'envoyer le plus rapidement possible vos coordonnées complètes par SMS. SMS évidemment gratuit. Vous envoyez le tout au 07 83 75 16 46. 07 83 75 16 46. C'est le premier SMS qu'on aura reçu avec vos coordonnées complètes. Et bien, gagnera cette carte SIM offerte par Le Barra Mobile, partenaire Castel FM, opérateur mobile. Bref, on y retourne sans plus attendre avec une toute nouvelle dédicace qui nous arrive de la part de Mélanie. Mélanie, elle habite à Châteaubriant. C'est pour faire plaisir à son chéri Greg, à qui elle fait de gros bisous, à son frère qui s'appelle Wilfried, à son beau-père qui se prénomme Serge. Voilà, je vais y réussir à lire ma fiche. Et également à son père qui se prénomme Roland. Elle a choisi le titre de Collectif Métissé, la petite cover de Reggae Night. Et c'est maintenant sur Castel FM. Ouais, mais moi, je vais retourner à l'école. Hein. Je retourne à l'école. Je vais apprendre à lire. Et je reviens. Woo! aimeriez savoir ce qui va vous arriver aujourd'hui? Castel FM te donne rendez-vous tous les jours à 11h pour l'horoscope du jour. Castel FM. Exactement, vous aussi, vous êtes fan, lecteur, lectrice des magazines et vous lisez en fin de magazine la rubrique horoscope, eh bien ne vous prenez plus la tête désormais. Et chaque matin à 11h, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'horoscope du jour sur Castel FM. Bref, on y retourne avec une toute nouvelle dédicace qui nous arrive de la part de Thierry. Thierry, il habite à Saint-Mars-la-Jaille. C'était pour faire de gros gros bisous à sa chérie qui se prénomme Anita, à ses enfants. Également, il leur fait un gros bisou qui sont sur Saint-Julien-de-Vouvante et ses beaux enfants qui sont également sur Saint-Mars-la-Jaille. Il fait des bisous à tout le monde, à tous ses enfants et ses beaux enfants. Il a choisi le titre de Louane. On était beau et c'est maintenant sur l'antenne de Castel FM, bien sûr. Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi, même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent quand on souriait pour rien. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Je me réveille, je pense à toi. Encore sommeil, je pense à toi. Trop de soleil, je pense à toi. C'est plus pareil. En funambule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. Je suis ridicule, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent quand on souriait pour rien. On s'aimait trop. À toi, presque obsédé, je pense à toi. Dépossédé, je pense à toi. Trop fatigué. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent. S'aimer trop pour s'aimer bien. Tu sais, j'étouffe, je pense à toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi. Au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop. S'aimer bien. On était beau souvent. Quand on souriait pour rien. On s'aimait trop. Pour s'aimer bien. Castel FM à Nantes, Rennes, Angers, Saint-Nazaire sur le www.castelfm.fr. Évidemment, vous pouvez, avec une simple connexion internet, écouter les programmes de Castel FM, que vous soyez près de Châteaubriand ou dans toute la France, et même partie à l'étranger, du moment que vous ayez une connexion internet et que vous ayez au préalable téléchargé notre petite application mobile disponible sous Android ou sous iPhone. Que ce soit sur, évidemment, sur votre téléphone, smartphone, sur votre iPhone ou évidemment également sur votre tablette, eh bien, vous pouvez écouter les programmes de Castel FM